On m'a dit tu parais honnête. C'est quoi le délire, tu veux pas rayonner? Porte fermée, je monte par les fenêtres. Et pour le montant, je parlais en net. En ce moment, mes nuits sombres sont des cauchemars et des soubresauts. Et doucement, mais du son, me presse pas. Sous pression, que des suppressions. Je voulais pas le faire, mais t'as dit que j'allais pas le faire. Être le pire pour leur dire qu'on n'est pas le faible. Sans sur le jogging, j'ai l'humour du joker. Il faudra pas te choquer si je t'attrape en shopping avec le bif que tu me devais quand t'avais évoqué des problèmes de santé. Mais c'est que du bise. Me dit le frère, si c'était que du bise, ferais des projets par centaines. Je reste sur les dizaines, je fais ce qu'il a disette. La toile, on l'a peinté, la toile, on l'a tissé. Je suis fier comme une DZ. Je vais te serrer comme un diesel, brutal comme un DC. Sa maman me le disait, j'ai connu sa mine. J'ai forgé mon armure dans l'acier d'un mineur. Mes ancêtres viennent d'Asie mineure, cœur rayé de noir à 6000. Ça rédit, pourtant ça jette même pas la cible. Trop d'inspi, que des A plus, demande à l'instit, sous-estime. Fire, plus de lumière par ici, pas d'esquive. Quand il s'agit, parler de Palestine. Et ça fait longtemps qu'on attend l'aide de l'OTAN. Et ça fait peu de temps qu'on parle de l'oseille de l'autre. Enfoiré, l'Afrique donnée comme une offrande. Paris c'est dangereux comme le fond d'une octant. Allez entendre frère, ils ont tous fait un go face. On porte les stigmates de la rue quoi qu'on fasse. Fais gaffe à Paris, la gentitude gare. Même si le compte est full comme la salle à Stuttgart. On a trop souffert, gravé sur le Kevlar. On s'en bat les couilles, Harry qui efface. Je mange avec mes doigts, transi, oye, voix. Salam en souriant comme après, you voix. Chassé dans la porte, je fais rentrer l'équipe. Pas de virement, donne du liquide. Ouvrez les portes d'Asgard, que je batte le cul de Thor à coup de Loki. Tout va bien tant que le parachute est doré. Plus rien me fait chialer, même pas le guide de Gorée. Baro comme la Corée. Aucun talent. Ils connaissent juste la Corée. Aucun talent. Ça connaît juste la Corée. Squaldel. 7-5, on pense qu'il est du de droit. T'y habitues pas. C'est le bavon et c'est pas terrible. C'est un peu comme d'atterrir dans une boîte d'intérim. Ça spécule. Sur l'oseille de Riri, ça veut me faire absolument Rafik Hariri. Squaldel, Squaldel, Squaldel. Parle doucement, le tosma est dans le der. Que les hommes aguerris, ça bosse dur. Même quand l'inspecteur c'est Derrick. C'est le bavon et c'est pas terrible, c'est un peu comme d'atterrir dans une boîte d'intérim, ça spécule. Sur l'oseille de Riri, ça veut me faire absolument Rafik Hariri. C'est quoi le del, quoi le thème, quoi le del? C'est quoi le del, quoi le thème, quoi le del?